va réclamer la liberté de l'Afrique. Africa, Africa, Africa wants to be free. I'm a Africa. Tout le monde comme ça. Africa wants to be free. Oh, oh. Africa, oh, Africa. Africa wants to be free. I say, oh, mama, Africa. Thank you. Alors ça va toujours. Dakar, il paraît que l'Afrique doit du fric. Est-ce que l'Afrique doit du fric? Après l'esclavage, la colonisation et la coopération qui continue de piller, est-ce que l'Afrique doit encore? Alors le morceau qui arrive, aborde ce sujet, man.